yeah. Là je suis taille, tout ce qui compte c'est faire la maille. Elle veut du Gucci, yeah. Elle fumera qu'un Gucci, yeah. Là je suis taille, tout ce qui compte c'est faire la maille. Elle veut du Gucci, elle fumera qu'un Gucci. Trop d'énergie dans mon corps, et sous bouché, y'a la bitch qui me cale. Sur messagerie, elle a pris son coup, elle fan, yeah. J'ai un G au téléphone, il me dit rapide. Pour kicker la guapo taille, puis c'est rapide, yeah. On a la recette, de chaque race ressent sur scène. Pas de censure, on est discret quand il faut. Part de rien, finir en haut. Normal mind, comme un autre zombie. C'est que dans l'occhi, passe à saldi. Ma celi apro, non sono molti. Oh my god, questa limite ne hai. Siamo stone tutti i giorni, I believe I can fly. La substanza, substance, bang bang. Spacco come la flame, quanto stile ho, quanto stile ho. Lei si fa la senza dire una parola, bro. Mi lascia la ferragamo, dentro la rita più di un gramo. No, zip, zip, fa weak, I'm sick. Questa sola la pussy, la mula e la weed. Che le strappo jeans, vendo di na. Lo sta casco sopra un po'. Chiamo tua cousine che le strappo i jeans bevendo lean up. Altro che firme, tiene le buste. Lo sta casco sopra un booster. Appelle-moi par mon blaze, je préfère mieux. Je t'ai laissé entrer dans ma tête. Y'a des choses complexes, y'a des duplex. Donc plus que 7 coups pour arriver au bout. T'es fou, je me mets bien. Jusqu'on n'arrête plus. Nous on au-dessus, on devient ton paradis. On a percé nos putes, on saute. Nos autres, on comprend pas sa langue. La ligne ne me tape plus autant. Maintenant je comprends quand il est temps. Je sais pas si c'est la meilleure façon. On respire, on clame. Je veux voir tous les clubs et fermés quand on part. Kemba Walker Cross. Il fait froid à Lyon, c'est pas des patères. J'pole, non, yeah. J'pop, ish, ish, ish. Sa chatte sans le poisson dans sa robe low cost. C'est à toi que je couche. Et c'est toi que je baisse, yeah. Dans la business, pull up, yeah. Toi et star. Rasta joue les stars, club c'est sain comme Johnny. J'prends mon jouet, j'le mets dans sa bouche comme poulet. Y'a des boulettes sur mon t-shirt car rare. J'tire des boulettes de canon, maquillage les canons. J'te prends dans le cabanon, baby, yeah. Ah ouais, c'est rare. J'lâche des boulevards. J'passe ta meuf le soir, oh yeah, c'est tard, yeah. Maison sur bateau, fais des vagues, prends ton gars, yeah. Tu vas rester debout, nous on va te niquer ton calage. Un contrôle de Di Maria et une passe de balle, yeah. Bélec, tu te fais une entorse ici, gros c'est balle, yeah. Mets des petits pour sous préau, tout ça sans préavis. J'assume tout ce que je dis, fuck une image de toi, toi t'es pas prêt à vivre. Là je te prends au mot, hein, ouais je me prends au risque, ah ouais. Et on s'en fout dans l'instant, fuck une tactique comme Maurice, voilà. Faut qu'une technique t'approche, faut que la vie t'est proche. Pour le concert, t'es low, vite tes poches. Tu lui deux fois et avec moi, genre tu joues coach. Tu joues l'enceinte et tu demandes d'activer la pétasse. Tu me dis viens, on cope des bails, ensuite tu me demandes des baisers. Qui ça